يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module initial, retranscrire une lettre. Chapitre 12, dictée 134, écris la lettre que tu entends avec la voyelle courte correspondante. Première lettre. D. D. D. D. D. Deuxième lettre. Tout. Tout. Tout. Tout. Tout. Troisième lettre. Si. Si. Si. Si. Si. Quatrième lettre. Qa. Qa. Qa. Qa. Qa. Cinquième lettre. Fou. Fou. Fou. Fou. Fou. Sixième lettre. Ri. Ri. Ri. Ri. Ri. Septième lettre. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Huitième lettre. Di. Di. Di. Di. Di. Neuvième lettre. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dixième lettre. The. The. The. The. The. Onzième lettre. Chou. Chou. Chou. Chou. Chou. Douzième lettre. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Treizième lettre. Ri. Ri. Ri. Ri. Ri. Quatorzième lettre. Mou. Mou. Mou. Mou. Mou. Quinzième lettre. 16e lettre. V. V. V. V. V. 17e lettre. Dix-huitième lettre. Ri. Ri. Ri. Ri. Ri. Dix-neuvième lettre. Hou. Hou. Vingtième lettre. Si. Si. Si. Si. Si. Vingt et unième lettre. Ho. Ho. Ho. Ho. Ho. Vingt-deuxième lettre. Zi. Zi. Zi. Zi. Zi. Vingt-troisième lettre. Fi. Fi. Fi. Fi. Fi. Vingt-quatrième lettre. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Vingt-cinquième lettre. L'eau. L'eau. L'eau. L'eau. L'eau. Vingt-sixième lettre. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Vingt-septième lettre. Na. Na. Na. Na. Na. Vingt-huitième lettre. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description, et tu peux répondre en commentaire.